Paris sur le vif. Écoutez. Faisons-nous cette route-ci ou cette route-là? Je préfère cet itinéraire-ci, par Nantes, La Baule et Vannes. Pourquoi? C'est dans ce coin-là que je fais un séjour en automne. Répétez. Faisons-nous cette route-ci ou cette route-là? Je préfère cet itinéraire-ci, par Nantes, La Baule et Vannes. Pourquoi? C'est dans ce coin-là que j'ai fait un séjour en automne. Écoutez. Te rappelles-tu où les Arnauds vont en hiver? Non, pourquoi? Un collègue de bureau cherche une petite station dans les Alpes du Sud pour aller faire du ski. Appelons-les. Allô, Jacques? Bonjour, ici Michel Blanc. Comment vas-tu? Très bien, nous rentrons de Bretagne. Vous êtes passé par Quimper? Bien sûr, les Guérins vous embrassent. Ils s'habituent bien? Très bien. Je t'ai téléphoné pour te demander le nom de votre station de sport d'hiver. Super dévolue. Merci, au revoir, à bientôt. Mes amitiés à Madeleine. Répétez. Te rappelles-tu où les Arnauds vont en hiver? Non, pourquoi? Un collègue de bureau cherche une petite station dans les Alpes du Sud pour aller faire du ski. Appelons-les. Allô, Jacques? Bonjour, ici Michel Blanc. Comment vas-tu? Très bien, nous rentrons de Bretagne. Vous êtes passé par Quimper? Bien sûr, les Guérins vous embrassent. Ils s'habituent bien? Très bien. Je t'ai téléphoné pour te demander le nom de votre station de sport d'hiver. Super dévolue. Merci. Au revoir. À bientôt. Mes amitiés à Madeleine.